Saint François d'Assise, la légende des trois compagnons, Arvède Barine, chapitre 9, de la vocation du frère Sylvestre et de la vision qu'il eut avant d'entrer dans l'ordre. Pendant que Bernard distribuait ses biens aux pauvres, ainsi qu'il a été dit, le bienheureux François était présent, et il admirait l'œuvre de Dieu, louant le Seigneur et le glorifiant en son cœur. Survint un prêtre nommé Sylvestre, de qui François avait acheté des pierres pour la réparation de l'église Saint-Damien. Voyant tout cet argent qu'on prodiguait sur le conseil du bienheureux, il lui dit tout enflammé de cupidité, « François, tu ne m'as pas bien payé les pierres que tu m'as achetées. » Celui-ci, qui méprisait par-dessus tout l'avarice, entendant ces injustes murmures, s'approcha de Bernard, mit la main dans son manteau où était l'argent, la retira avec vivacité toute pleine de pièces de monnaie et les donna au prêtre qui murmurait. Et remplissant de nouveau sa main d'argent, il lui demanda, « Es-tu maintenant complètement payé, Seigneur prêtre ?»« Je le suis complètement, » répondit-il. Et il retourna chez lui, très content, avec l'argent qu'il avait reçu. Au bout de quelques jours, ce même prêtre, par l'inspiration de Dieu, se mit à méditer sur ce qu'avait fait le bienheureux François et se dit « Ne suis-je pas un misérable, moi qui suis vieux, de désirer ainsi les choses temporelles et de chercher à les acquérir, tandis que ce jeune homme, par amour pour Dieu, les dédaigne et les déteste. » La nuit suivante, il vit pendant son sommeil une croix immense, dont le sommet touchait le ciel et dont le pied était fixé dans la bouche de François, tandis que ses deux bras s'étendaient d'un bout du monde à l'autre. À son réveil, le prêtre reconnut et crut fermement que François était véritablement ami et serviteur de Dieu, et que l'ordre religieux qu'il avait inauguré était destiné à s'étendre dans l'univers entier. Il commença ainsi à craindre Dieu et à faire pénitence en sa maison. Et peu de temps après, il entra dans le nouvel ordre, où sa vie fut très bonne et sa mort glorieuse. François, l'homme de Dieu, n'ayant pas d'asile où habiter avec les deux frères qu'il s'était associés, se rendit en leur compagnie à une pauvre église abandonnée qu'on appelait Sainte-Marie de la Portioncule, et ils se firent là une petite maisonnette où ils demeurèrent ensemble pour quelque temps. Au bout de peu de jours, un homme d'Assise, nommé Aegide, vint à eux, et s'agenouillant avec grand respect et dévotion, pria l'homme de Dieu de le recevoir en sa société. François, voyant qu'il était pieux et très fidèle, et qu'il pourrait obtenir de grandes grâces de Dieu, ainsi que cela se vit dans la suite, l'accueillit avec satisfaction. Ces quatre, unis dans la joie et la paix de l'Esprit Saint, se séparèrent en vue de progrès nouveaux. Le bienheureux François, prenant avec lui le frère Aegide, alla dans la marche d'Ancône. Les deux autres se dirigèrent d'un autre côté. En allant vers la marche, ils se réjouissaient en Dieu, et le saint, chantant en français les louanges du Seigneur à voix claire et haute, bénissait et glorifiait la bonté du Très-Haut. Il débordait de bonheur, comme s'il avait trouvé un trésor précieux dans le champ évangélique de Madame la Pauvreté, et pour l'amour de qui ils avaient généreusement et joyeusement rejeté et dédaigné comme de viles ordures toutes les choses temporelles. Et le saint dit à frère Aegide, « Notre société sera semblable à un pêcheur qui, ayant jeté dans l'eau son filet, prend quantité de poissons. Il laisse les petits dans l'eau et met les grands dans son panier. » C'est ainsi qu'il prophétisait l'accroissement de l'ordre. Quoique l'homme de Dieu ne prêchât pas encore au peuple, il exhortait les gens, quand ils passaient par les villes et les châteaux, à aimer Dieu et à le craindre et à faire pénitence de leurs péchés. Et frère Aegide avertissait les auditeurs de croire François, parce qu'il leur donnait de très bons conseils. Ceux qui les entendaient se demandaient, « Qui sont ceux-là, et quelles sont les paroles qu'ils disent ?» Car, en ce temps, l'amour et la crainte de Dieu étaient éteints presque partout, les voies de la pénitence étaient choses oubliées, ou même méprisées comme sottises. La volupté de la chair, la cupidité du siècle, l'orgueil de la vie dominaient à tel point, que le monde entier semblait plongé dans ces trois choses abominables. Les avis se partageaient au sujet de ces hommes évangéliques. Les uns prétendaient qu'ils étaient ivres ou fous, d'autres assuraient que de telles paroles ne provenaient pas de folie. Un de leurs auditeurs dit, « Ou bien ils se sont attachés au Seigneur pour être parfaits, ou assurément ils sont insensés de mener une vie aussi misérable, car ils mangent à peine, ils vont nu-pieds et sont sordidement vêtus. » Quelques-uns éprouvaient de la terreur à voir leur façon de vivre. Personne encore ne se joignait à eux, et les jeunes femmes, en les apercevant de loin, s'enfuyaient, craignant qu'ils ne fussent guidés par la sottise ou la folie. Après avoir parcouru la marche, ils revinrent à Sainte-Marie. Quelques jours plus tard, trois autres hommes d'Assise vinrent à eux, c'était Sabatino, Morico et Jean de Capella. Ils supplièrent François de les recevoir comme frères, ce qu'il fit avec humilité et bienveillance. Mais quand ils allaient par la ville demandant l'aumône, presque personne ne leur donnait, et on leur reprochait d'avoir renoncé à leur bien pour manger le bien des autres. Aussi étaient-ils dans un grand dénuement. Leurs parents et leurs proches les persécutaient, leurs autres concitoyens se moquaient d'eux, comme d'insensés et d'imbéciles. En effet, en ce temps-là, personne n'abandonnait ce qu'il possédait pour aller demander l'aumône de porte en porte. L'évêque d'Assise, à qui l'homme de Dieu allait souvent demander conseil, et qui le recevait avec bienveillance, lui dit un jour, « Votre vie me paraît bien pénible, il est dur de n'avoir rien à soi. » Le saint répondit, « Seigneur, si nous possédions quelque chose, il nous faudrait des armes pour nous défendre. Car de la possession naissent des difficultés et des disputes, qui mettent des obstacles de toutes sortes à l'amour de Dieu et du prochain. C'est pourquoi nous ne voulons posséder aucune chose temporelle en ce monde. » Cette réponse plut beaucoup à l'évêque. L'homme de Dieu méprisait toutes les choses périssables et principalement l'argent, à ce point que dans ses règles successives, il recommandait toujours avant tout la pauvreté, et rendait tous les frères attentifs à éviter d'avoir de l'argent. Car il fit plusieurs règles, et les mit à l'épreuve, avant d'établir celle qu'il laissa définitivement aux frères. Dans une de ces règles, il disait pour bien marquer son mépris de l'argent, « Si nous trouvons quelque part de l'argent, n'en faisons pas plus de cas que de la poussière que nous foulons aux pieds. » Markham Dan, archive.org. D'après la numérisation de l'Université de Toronto, licence Creative Commons, pas d'usage commercial, partage à l'identique.